Yeah. Freestyle, Radio SDV, merci à ceux qui m'écoutent. Ok, je l'enregistre avant, ça, hein, bien évidemment. Vida Loca, volume 1. Ok. Yeah. Conçu exprès, hein, pour ce soir, pour ceux qui m'écoutent. Check ça, en direct à Radio SDV. Je le redis, Freestyle, Radio SDV, check. 1. Yeah. Yeah. Yeah. Okay. Je me sens à la hauteur, gros. Okay. T'as de l'alcool, hein. Je me sens à la hauteur de me mesurer même au meilleur. Je me sens comme un facteur qui distribue sous la chaleur. Heureux d'être en service, les langues de pute peuvent remballer. Bientôt à Urban Peace, faut attendre, faut pas rêver. L'album en attente, y'a plus d'un bout qui va kiffer. Avant j'étais en pente, maintenant je me vois enfin remonter. Mes rêves se concrétisent, c'est à force de tour d'affaires. Pas accro à la tease, tant mieux c'est ce qu'il me fallait. La déprime est finie, donc mes textes sont aiguisés. Je suis conscient de mes erreurs, donc mes musiques restent sensées. Je pars pas dans le commercial, tout va bien, il faut foncer. Je m'en fous de vos paroles, tout ce que je veux c'est m'exprimer. Je pleure de la plume, ce qui m'empêche de continuer. Maintenant je vois plus rien, car ma feuille est inondée. Check, check, ok, check. C'est ça. Encore une pensée à ceux qui m'écoutent, c'est merde. On a tendance à s'envoler en oubliant qu'on n'a pas d'aile. Le mal veut m'enrôler en oubliant que je veux lequel. Tu connais Vida Loca, normal t'entends partout. Au pied une paire de kawa, viens là je veux une partout. Ce featuring de l'année, c'est toujours nous en haut de l'affiche. Sur l'instru je vais me pavaner, fabriquer une putain de ruche. On exprime nos ressentis avec une plume bien travaillée. J'aimerais tant être penti, pardonner tous mes péchés. Dames, okay, yeah. Vida Loca, tu connais Vida Loca, check ça. 1. Ok. Je suis comme le Titanic quand l'instru flotte dans mes oreilles. Parfois pris de panique, j'oublie même la valeur de l'oseille. J'essaye de me soigner, mais les remèdes ne servent à rien. J'ai pas de Rolex au poignet, le bif n'est pas mon quotidien. Je suis comme le méridien, d'ailleurs j'en connais un rayon. Nouer des millions de liens serait donc ma grande mission. La conscience nous passe au-dessus, alors je vole dans l'au-delà. Je suis plus fragile que du tissu, mais je connais pas le mot tracade. Check. La famille c'est plus que de l'or, c'est bien plus cher qu'un gros diamant. J'ai reçu un mauvais sort, tout mon air trop nonchalant. Essaye de voir le bien en moi et tu verras qu'il est KO. Les jeunes boivent sans soif et au final finissent là-haut. La famille c'est plus que de l'or, c'est bien plus cher qu'un gros diamant. J'ai reçu un mauvais sort, tout mon air trop nonchalant. Essaye de voir le bien en moi et tu verras qu'il est KO. Les jeunes boivent sans soif et au final finissent là-haut.